Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et oui, nous sommes samedi et c'est l'heure du Disco Funk sur Fadjet. Pour la découverte, on va écouter The Chill Light. C'est un groupe qui se forme au début des années 60. Ah, ils sont originaires de Chicago et Eugene Rickard est l'auteur-compositeur du groupe. À un temps séparé, ils se reforment début des années 80. The Chill Light est intronisé au R&B Hall of Fame en l'an 2000. Try My Side of Love est extrait de l'album Me and You, paru en 1982. Encore une belle découverte. So come and get this fortune, satisfaction guaranteed. Let me love you the way you want to be loved. Let me please you the way I know you've been dreaming of. I'm on the outside looking in, wanna be more than just a friend. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. On enchaîne sur notre rubrique des 100 hits. Aujourd'hui, Sister Sledge et son He is the Greatest Dancer. Alors, certaines discothèques se sont réputées pour leur clientèle select, composée de personnalités du show business, de la politique ou des affaires. C'est ce qu'on appelle la jet set. C'est autour de ce concept que Nile Rodgers et Bernard Edwards créent leur groupe, le bien nommé Chic. Alors, influencés par le look branché du dandy Brian Ferry, leader du groupe Roxy Music, ils conçoivent un disco funk élégant, riche et en adéquation avec leurs costumes et leur attitude sur scène ou dans la rue. He's the Greatest Dancer illustre bien cette philosophie de vie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans une boîte de nuit de San Francisco avec une bande d'amis. La piste est pleine de types ordinaires et le lieu ne lui plaît mais alors pas du tout. Elle remarque tout de même un homme beau à faire pâlir Adonis. De plus, c'est le champion de la danse et c'est pas à mettre en transe. En traduction dans le texte, bien sûr. Elle conclut en parlant de son style vestimentaire. Nice et Bernard ne connaissent pas encore les 4 sœurs Sledge quand ils composent le morceau. Ces dernières n'ont d'ailleurs jamais mis les pieds dans une discothèque. Elles sont très croyantes, elles sont choquées par les paroles un peu crues qu'elles tentent de changer, mais alors en vain. Nos deux compères savent bien que leurs paroles et leur musique collent parfaitement avec le monde de la nuit. La preuve, le label va choisir cette chanson comme premier single, et cela sera bien sûr numéro 1. Alors, on continue notre étude des 100 plus grands albums de disco funk. On attaque avec Donna Summer et son Bad Girl. Sorti en 1979, 6 morceaux seront tirés de ce dernier. L'album atteindra la première place aux USA et au Canada. Il sera multi-disque d'or et de platine. On va écouter Walk Away, dont la face B, Could It Be Magic, est certainement plus connue. Le titre atteindra une modeste 36e place au Hit US. Faites-vous votre avis. Maxi du jour, je vous propose un grand Fat Larry's Band et son titre Looking for Love Tonight. Extrait de l'album Looking for Love, sorti en 1979, le titre atteindra une modeste 27e place au chart US. Alors, on va considérer ce dernier comme un coup d'essai avant le fameux Act Like You Know, la mort prématurée du chanteur en 1987 d'un arrêt cardiaque sonnera la fin de l'aventure. Mais nous, c'est le début du maxi que l'on va entendre. On va terminer notre émission par une pépite. Je vous propose Rick James et son titre Ghetto Life. Extrait de l'album Street Songs, paru en 1981, le morceau atteindra la première place de US Billboard et sera le dernier extrait de l'album. Il raconte l'adolescence du chanteur à New York. Je vous laisse découvrir. Il est temps de se dire au revoir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye!